21-21, activation orale, ce qu'on peut avoir. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. Mireille n'est peut-être pas pressée. Et vous dites. Mais elle a l'air pressée. Vous entendez. 2. Tu ne t'ennuies peut-être pas. Vous dites. Mais tu as l'air de t'ennuyer. 3. Mireille n'est peut-être pas fragile. Mais elle a l'air fragile. 4. Tu n'aimes peut-être pas ça. Mais tu as l'air d'aimer ça. 5. Il n'a peut-être pas faim. Mais il a l'air d'avoir faim. 6. Vous n'avez peut-être pas faim. Mais vous avez l'air d'avoir faim. 7. Ils ne savent peut-être pas ce qu'ils font. Mais ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. 8. Tu ne sais peut-être pas ce que tu fais. Mais tu as l'air de savoir ce que tu fais.